Africa. Je vais rêver comme l'Amérique. Bouillant comme la M3, ça c'est mon côté Mexico. À présent, je suis ton futur, au passé, j'étais ton amigo. Señorita, tu rêves une balade avec ton monito. Écoute-toi les autres, moi je suis pas comme eux. Là tu pars, ils ont rien, je leur donne des leçons. Écoute pas les autres, moi je suis pas comme eux. Ils ont rien, là qui part, je leur donne des leçons. J'ai pas dit toutes tes qualités, personne n'est parfait, tu le sais. Et je ris de ta passée, bébé, faut que t'arrêtes d'y penser. Ce qui est fait est déjà fait, sans le vouloir, ton cœur est blessé. Tes copines te chuchoter, qu'ailleurs moi j'ai les chuchoter. Désolé de ta bataille, et puis j'arrête, c'est promis. Me quitter ta faille, ça c'est la gire, la plus dure, la vache. Ma belle, la sortie de la côte latina. Tu me fais perdre mes pouvoirs quand je croise ton regard. Je suis un macho et tu le sais. Faut pas me provoquer quand t'es à mes côtés. Je traîne à la nuit à venir comme un zombie. Et des fois la monnaie me fait oublier ton sourire. Je suis plus machiavélique, les affaires se multiplient. Tu me vois pas avec une autre, mais avec toi jusqu'au bout. Tu sais, c'est un volet comme un cerveau. J'aurais dû croire pas de moi, maman. Si t'as le plus gros que le cerveau, tes idées ne sont pas en place. Soit dans ma tête, c'est le peu. C'est réel, tu demandes toujours si on fait ça pour le peu. À l'école, j'étais un boulet, pas figé d'avoir une bonne note. Seigneur, tu vois la côte, tu veux que je paye la dot. À dot. Je suis lancé pour la vie, la toupie, la maillot. Il a fait semblant de m'aimer. Et moi, je voulais y croire. Il a fait semblant de m'aimer. Il m'a laissé tout seul. Parapapapa, il m'a laissé tout seul. Parapapapa, il m'a laissé tout seul. Jamais compter sur un homme et sur soi-même. Et au fond je sais que si je te laisse une chance y'aura rien à faire.